Activité 7, page 61. Piste 47. A. Prends 3 comprimés par jour. B. Achète un bouquet de fleurs. C. Oui, docteur, j'ai mal à la tête. D. Ma sœur est fatiguée.